Les chasseurs de nazis. Chapitre 8. Un ultime baroud d'honneur. Quatrième épisode. Ludwigsburg, dans la banlieue de Stuttgart, est une ville renommée pour son architecture baroque. Mais nous n'avons pas eu le temps de nous en rendre compte. Peut-être qu'à son arrivée en 2015 à la tête de l'Office central d'enquête sur les crimes nazis, le procureur Jens Rommel a fait le tour des églises de la ville. Qui sait ? Le premier jour où vous êtes rentré dans ce fil central et Jens Rommel comme directeur, vous êtes dit que vous rentriez dans un labyrinthe historique, physique, mental. Est-ce que la figure du labyrinthe vous est arrivée ou pas du tout? Non, pas du tout. J'avais plutôt l'image d'un bloc énorme en tant qu'entité. Quand on regarde un de ces fichiers, par exemple ici, GR, Monsieur Gröning, ici, le fait que le procureur de Hanovre a porté plainte contre Monsieur Gröning, et à la fin, on avait l'arrêt de la cour d'assises de Lunebourg de 2015 et la décision de la Cour fédérale. Et là, donc, en quatre petites fiches cartonnées, on a l'essentiel d'un parcours criminel. On a commencé déjà en décembre 1958, dans les premiers jours de l'Office central avec le camp de concentration d'Auschwitz. Et on a commencé la procédure contre M. Gröning en 1977. Et le résultat, c'était l'arrêt de 2015. Donc, ce Gröning a été condamné à 4 ans. Et la Cour de constitution a décidé qu'il doit définitivement aller en prison. Sa santé est suffisante pour être emprisonné. Quand cette enquête commence, disais-je au début de ce récit, Oskar Gröning est encore vivant. Mais le temps de voyager ici et là sur les traces des criminels nazis, ou plutôt de ceux qui les ont traqués. Le vieillard de 96 ans est mort. C'était en mars dernier. La bataille juridique lancée contre Gröning était vue comme l'un des derniers procès majeurs liés à la Shoah. Il est mort avant même d'avoir purgé sa peine, car le condamné avait fait appel. Ce fut également le cas pour John Damon Newk et Reynold Danning, tous deux morts avant d'être incarcérés. Jens Rommel, quand vous avez accepté de diriger ici cet office central donc en 2015, quand vous avez dit peut-être à votre famille, à vos amis, je vais travailler avec Ludwigsburg, est-ce qu'on vous a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire dans le passé? C'est plutôt la question, qu'est-ce que tu vas faire avec ces vieux gars, plutôt, ou d'autres mots. Alors, à quoi ça sert de poursuivre une telle personne qui était vraiment jeune, 20 ans, qui avait 20 ans à l'époque, qui était très jeune à l'époque, et qui a vécu sa vie. À quoi ça sert? C'était plutôt la question. Et la réponse, c'est ce que j'ai déjà expliqué. C'était une décision du Parlement allemand de prolonger d'abord les limites de prescription pour meurtre. Et à la fin, on n'a plus de limites pour meurtre, c'est-à-dire on est obligé, en tant que procureur, d'investir ces crimes. Et l'autre idée, c'est loin ou c'est au-delà de cette explication juridique, que c'est un devoir politique ou moral de la société allemande d'aujourd'hui. Il y a quand même une jurisprudence, celle de Mounir El-Motassadek. Et ça, ça nous renvoie en 2007. Et 2007, c'est 6 ans après le 11 septembre. Et ce Mounir a été condamné ici, en Allemagne, pour complicité d'avoir donné de l'argent aux gens qui ont détourné les avions, qui ont été percutés les tours. Et à partir de ce cas-là, quelque chose a changé ici. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé en 2007? On a toujours la même code qui doit... Et on doit essayer de traiter de nouvelles formes de crimes avec ce vieux code. C'est un peu la même chose en France. On a une tradition de codification et on doit essayer de traiter ces crimes. En ce qui concerne le terrorisme, on a compris que ce sont des personnes avec des contributions presque négligeables. Quand on regarde à la seule contribution, mais en somme, ces contributions étaient nécessaires pour que le crime soit possible. C'est une idée qu'on a appliquée au cas des attaques sur les États-Unis. Mais si c'est vrai qu'une contribution restreinte mène à une responsabilité pénale, on peut penser que c'est vrai aussi pour les crimes nazis. C'est-à-dire que les dossiers dans les années 60-70 et plus tard montés ici dans cet office central concernaient, on va dire, des décideurs, des têtes pensantes, des hauts gradés. Et depuis, vous avez étendu votre champ de recherche puisque tout gardien peut être tenu responsable de cette complicité de destruction de vie humaine par centaines, par milliers. Donc la masse de gens pouvant être incriminés a été agrandie. Oui, elle a été agrandie en théorie, mais en pratique, elle est très, très réduite. Juste à cause de l'âge des personnes concernées. Si on regarde nos listes de gardes, de gardiens, on doit constater que plus de 95% sont déjà morts. C'est-à-dire, on commence avec des milliers et à la fin, on a quelques individus qu'on peut transmettre au parquet. Bon. En décembre, il y a quelques mois, décembre 2017, c'était 9. Si je ne m'abuse, en 2016, vous aviez monté 30 dossiers. Ces 30 dossiers, aujourd'hui, ils vivent comment? C'est quoi leur avenir? Est-ce que vous avez des retours des autres procureurs? Oui, on transmet nos cas au parquet compétent dans toutes les régions de l'Allemagne. Et eux sont compétents de prendre les prochaines mesures. Et là encore, on doit constater que beaucoup de personnes ne sont plus aptes à comparaître devant la cour. C'est vrai pour la plupart des cas. Par exemple, quand on prend 30 cas qu'on a transmis concernant le camp d'Auschwitz, 22 de ces 30 ont été terminés à cause de l'état de santé de la personne et 3 personnes sont mortes pendant la procédure. C'est-à-dire, seulement 5 cas ont été transmis au tribunal, commençant avec 30 cas. À demain pour la suite des chasseurs de nazis. Une histoire racontée par Jean-Philippe Navarre et Michel Pomarède.